Agnon. Ça commence pas très bien l'émission du 8 janvier 2018. On nous a volé le générique. On nous a volé le générique. On nous a fait enfin. En fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Non, non, non, non. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Notre agent de sécurité, où était-il? Premièrement, nous n'avons plus d'agent de sécurité. Comment ça? Vous avez coupé dans le gras, hein? Dans le gras? Prenez le petit jeune, là. Non, mais vous avez coupé dans le petit jeune aussi. Coupé? Non, ben c'est ça, on a coupé. Non, mais coupé, on présente pas l'émission. Êtes-vous cinglé? Hey, l'autre, là, qui travaille. L'autre, là, chose, là, chose à faire. La pustule vivante, là. Travaille depuis 2 semaines sur son projet, là, voyant d'or. Il écrit des beaux textes d'amour. Pour déclarer ça à sa flamme, à sa fleur, à sa flash, à sa... Ben, il peut pas, on peut pas, le, on peut pas, il peut pas. Case horaire, madame, mon nom est personne, là, la directrice de la programme. Madame Maumont, c'est son nom, là, Tania. Ben, ça n'a pas dit comment, il y a 2 heures, là, faut remplir ça, 2 heures, ça se remplit pas comme de l'eau de roche, là, là. Faudrait appeler Madame Chose, là, la direction, Madame, voyons, programme, celle-là, là, qui s'est à CK 89.1, Québec, Limoilou, H2L, 3PQ. Non, 3PC, 3PD. Non, 3... Mais non, c'est... on a ces folies, gens s'est fait voler. Il y a plus l'autre, ils disent, on va couper dans le gras. Couper dans le gras, c'est quoi? Tout début, c'est la sécurité. On coupe sur la sécurité. On n'est pas comme une... On n'est pas une société, nous, là. Ben, on est une micro-société, pas une très, très microscopique. On peut dire opusculaire, là. On se trompera pas si on place l'opuscule là-dedans, là. Même le macro. Il y en a-tu des macros à cette émission-là? Hein? Macro, non, dans le sens de petit. Petit pour voir, il faut grossir, hein, avec un macro. Si vous faites de la photo, téléobjectif, c'est important, téléobjectif. Ça, c'est pas télévision, là. Vous n'êtes pas obligé d'être branché sur la HD, là. Sur votre caméra, si vous avez des... Il faudrait que ça s'enlève, ça, là. Là. Si c'est stable, ben, on peut pas... Mais comme nous sommes instables depuis des années et des années, on peut pas retrouver. Alors, on fera pas d'émission, mais on peut commencer à parler de... Puis, le petit dernier, moi, c'est les dents en arrière qui sont difficiles, hein? Elle a jamais... Elle, ma petite, là, elle a jamais commencé ses dents de lait. C'est déjà des d'adultes. Mois de janvier, les enfants sont heureux, ça joue dehors, tu rentres ça, c'est... Non, c'est pas du morse, j'essaie de parler un peu. C'est des glaçons géants. Ben géants, c'est des petits, là, mais comme quand ils oublient longtemps, on dirait que la givre monte, la glace aussi. Puis eux autres sont tout petits là-dedans, hein? C'est encore du micro. Quoique, on devrait placer ces petits moussaillons-là devant nos génériques, comme ça, on se ferait jamais... Ouais... Ah, merci, il en existe un double. Bon, je remercie ma secrétaire volante. C'était un bon groupe punk, ça, à l'époque, des secrétaires volantes. Mais nous avons, nous, la crème de la crémeuse. La belle Gisèle, avec son tutu. Est-tu belle? On peut le mettre, le générique. Ah, ça se passe bien en ce 8 janvier 2018. J'aime ça, moi. Spéciale dédicace à Daniel Marcoux, qui à chaque semaine place dans notre ordinateur CKRLien l'émission Émance canadienne. Merci l'artiste. Don't take progress. Aujourd'hui, le lundi 8 janvier 2018, s'il vous plaît, relevons-nous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Monte le volume et hume la différence. On a perdu le texte aussi. C'est parti, mon kiki! enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Vous prendriez ça comment, vous, débuter avec une belle chanson? Pas une pause musicale, là. C'est pas pourquoi on dit une pause musicale, c'est pas une pause. Parce que c'est de la musique. Une pause, c'est du silence. Posons-nous sur la branche, vous verrez. Ça sera pas du silence parce que la branche va casser. J'ai un petit surplus de poids depuis... faudrait que je me mouche. j'ai la sinusite pas mal graisseuse, oui. Ouais. Mais c'est le temps là, d'avoir ça, ces maladies-là. Là. Tu sais, mon ami, tu sais, veut dire, tu sais, la... C'est une bébite, la tétée? C'est un genre un insecte, hein, la tétée? Quoique en janvier, la tétée, tu sais, veut dire, plutôt rare. Mais, quoique moi, j'ensemence ça, moi. Comme à l'intérieur, ici, nous sommes sur dans le studio des Abeilles. Merveilleux studio en passant, là, il a 2 ans et demi. J'adore mon studio. Je veux installer, peut-être pour mon anniversaire, une porte. Parce que là, j'ai pas de porte. C'est un rideau. Vous allez dire, ouais, parce que t'as manqué de budget à la toute fin. Tu t'es comme placé. Non, tu t'es comme. Non, je me suis pas comme du tout. Moi, c'est Renal.com. Mais non, je suis pas comme. C'est parce que je trouvais ça plus beau, moi. Je l'ai déjà dit. Je préfère ça. Je préférais ça avant. Un wallage. Un beau wallage, mais pas translucide. Là. Un wallage opaque. Avec l'épais, ça fait opaque-épais. Opaque-épais. Mais l'opaque... Je trouvais ça comme le. Tu sais, dans le show business, là, tu rentres sur scène comme au théâtre. Je rentrais dans mon studio là, avec le rideau dans les cheveux. Puis le public, je le voyais là, dans la valise des pantins, le King Comedy de Martin Scorsese. Qui joue dans. J'en ai déjà parlé il y a quelques années. La valise des pantins, vite comme ça, là, rapidement. Êtes-vous branché? Connaissez-vous votre cinéma? Pas juste du cinéma américain, mais là, états-unien. Mais ça, c'est, on s'arrête sur les États-Unis. On n'est pas chanceux, hein? On s'en veut-tu du mal? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On dirait que ça me donne le goût de crier, moi, quand c'est le cinéma états-unien. Mais il y a du beau cinéma états-unien. Il y a du beau film. Ah, c'est du beau film. Là, haute qualité, intellectuelle, scénaristiquement parlant. Oh! Scénaristiquement parlant, quand c'est Scorsese, c'est bien léché. C'est léché, là. Le disque saute, Raymond. T'as plus de... On lui avait demandé... En 2017, change l'aiguille, pas change le volume, change l'aiguille. Il a tendance à pogner. il pogne sa garnotte, lui. Quand tu pognes sa garnotte, ça revient constamment. Puis là, il y a des orthophonistes qui vont dire, ben oui, c'est il souffre de bégaiement. Non, c'est l'aiguille. On a payé, c'est parti sur eBay, là, ça vient de Hong Kong. C'est fait Hong Kong. Pourquoi aller chercher ça à Québec puis se faire payer ça 55$ quand tu peux l'avoir à Hong Kong à 5$? Bon, là, les gens vont dire, ouais, mais le transport, tu penses pas à ça, hein? C'est pas éco, éco. Bien, oui, t'en veux-tu de l'éco? Moi, t'en mets de l'éco. Non, c'est pas éco, éco-synalytique, non. Le transport, là. Pas bon, ça, là. Ben oui, mais il y a des gens. Moi, non. Hey, t'as peur. Moi, j'ai une solution. Puis si c'est pas ça, écrivez-moi. Écrivez-moi, soyez pas dur envers moi. Je suis pas trop connaisseur dans ce milieu-là. Là. Mais Rénal Québec à commercial@admin.com. Je vais aller plus lentement là, parce que là, moi, ce que j'ai entendu, Jeannette, c'est Rénal.com. Comment tu veux écrire ça? en lettres cursives, en lettres. Puis moi, quand tu sais que je suis pas rapide ça, sur le clavier. Ah, moi, je m'endors dessus. C'est vrai, la chanson n'est pas partie encore. Je m'endors dessus. On porte-tu la chanson? Non, on va laisser ça de même. Clignote, pitoune. Ouais, je suis pas fort sur la pitoune. Fait 2 ans, là, je me suis acheté un ordinateur, je me suis acheté ça. Bon, c'est pas moi qui me l'a acheté. On me l'a acheté. Mes enfants ont dit, oh, ben, regarde, on te voit pas, là, hein? On te voit plus, puis on reste loin. Avec Ski, en tout cas, avec un logiciel. Si on appelle ça un logiciel, un programme, quelque chose du genre, on peut voir la personne avec la caméra cachée. C'est cachère. Tout le monde peut faire ça, c'est du cachère. Fait que c'est une caméra cachère. Elle est chère aussi, la cachère. T'as la traditionnelle moins chère, puis t'as la cachère plus chère. Fait que là, je me suis dit, si je prends la cachère plus chère, elle va être quoi, sacralisée? Bon, on va voir les filles de joie vont être attachées là-dessus. Tu sais, bon, moi, cachère, je trouve que c'est gagnant. J'ai jamais rien gagné dans ma vie, puis même mon prénom, le Reynald, ça part bien gagner, ça finit le temps. Non, ça finit, c'est le traîne ma couette sur ce gagné-là. J'ai jamais voulu m'appeler gagné, moi, là. Tu parles d'une idée de saugrenu. Saugrenu, c'est... D'abord, là, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutaient à la radio. J'espère que vous m'écoutez à la radio. On a déjà été diffusé à la radio, c'est vrai. Il y avait des annonces tassées, puis il y avait CKRL qui jouait. C'était merveilleux. C'est une autre époque. Mais quoi que, avec les internets, les intestins, intestinaux... Non, c'est quoi? Des auto... Rhino-laryngologistes, non? Les internautes! Bon, les internautes peuvent nous écouter sur Internet. Si t'as pas Internet, pas d'internaute. T'as-tu déjà vu un internaute pas d'Internet, toi? Eh, monsieur, c'est suicidaire, cette affaire-là, là. Ça s'est acheté des lunettes. Des lunettes loupe pour grossir les touches. Vous savez, au-dessus des yeux, c'est des sourcils. Ils ont les sourcils touffus, là. Ça, c'est élevé en serre, ça. Parce que ça nettoie, c'est la c'est les sourcils. Non, c'est des gencives. Non, pas les gencives. T'as des gencives dans les yeux, toi. Ah, je suis mal fabriqué, moi. Ils m'ont gâché ça à la naissance. Ah, j'ai été gâché toute ma vie, puis je suis resté 10 mois, moi. Je ressors ma cassette du 10 mois, mais c'est vrai, je suis resté 10 mois dans le ventre, moi. Ah, mon Dieu Seigneur. Quand je voyais ça dehors, là, oh, je voulais me préparer, moi. Je suis un gars de scène, moi. S'il n'y a pas de préparation, si on n'est pas prêt, si je vois pas la poursuite qui est après moi, pourquoi je sortirais? T'as-tu déjà vu un chanteur, un comédien arriver à l'heure? Tu laisses le public t'attendre. Hein? C'est toi, vedette. Ils ont payé, ils vont t'attendre. Penses-tu qu'ils vont partir avant? Ils peuvent aller aux toilettes, petite envie pressante, mais ils vont revenir, voyons donc, ils ont payé le plein prix. Quoique dans mon cas, c'est pas ça, mais en tout cas, moi, je me suis dit, Reynolds, parce que je me suis déjà préprogrammé et préproclamé, les deux, moi. Je me suis préproclamé et préprogrammé avant même de naître. J'étais futé, là. Plus que les autres, là. Tu sais, je veux pas dire que je suis l'être suprême, là, mais pas loin. Tu sais, moi, là, les cordes de porte, là, ben, c'est pas en bois, moi. Moi, c'est malléable. Quand la tête mange, je peux passer quand même. Quand elle rétrécit, je chante pas rien, là, tu sais. C'est une très bonne émission, je chante pas rien. C'est pas chante pas rien, c'est symphorien. Ah, oh, c'est symphorien, mais je chante pas rien, moi. Je chante puis je rentre, je chante rien. Ma femme a eu 10 enfants et de même où ça sent plus rien. Ah, man, ça sent plus rien, cette affaire-là. Ah, elle dit, c'est toute la frimousse qui... la barbousse est passée, puis la frimousse, la porte de garage, là, oh! Les jointures sont les loyers sont chers actuellement. Ils nous prennent pour des... comment tu les appelles? Tu l'appelles le gars de SO, là, Nixon. On nous prend pour des Rockefeller. On est-tu des Rockefeller, nous autres? Hey, wow! On a de la misère à se trouver 25 cents pour s'acheter une sandwich. T'arrives à la caisse, tu devant la petite fille, la petite dame, la préposée, en tout cas la chose là, qui est là, elle dit 5,50 $. 5,50 $. Elle s'est fait placer des affaires dans la bouche. Moi, j'écoute, esthétiquement, c'est merveilleux. Puis les dents, arrête de radoter ça. Personne ne veut l'entendre. Parce qu'elle s'est fait avoir, elle, son... c'est pas un denturologiste qui pose ça, c'est des orthodontistes. Son orthodontiste, il a placé une porte de garage dans Balloon. Avec la langue, là, de la misère à parler. Puis je lui ai dit, hey, ils ont été forts sur le cylindré là-dessus, là. Mon Dieu Seigneur, c'est plus des broches, ça, c'est quoi? C'est pour le parc, là. Ils mettent ça pour... ils mettent le 120 là-dessus, puis les vaches sortiront pas. T'es-tu branche? Je te conserve pas. Non, je veux pas dire que t'es une variante. Non, ma belle belleuse. Attends-moi, ma belleuse. Pense à moi quand tu reviendras. Jamais j'oserais que t'es une belle. Non, tu parles souvent pour dire rien, pour rien dire. Dire rien, c'est déjà rien dire. Les mauvaises langues diront. Il y en a de la mauvaise, de la très mauvaise langue. Oui, mais ton émission, c'est un peu ça, hein? C'est on dit, il n'y a rien dit. C'est pas parce que tu comprends pas qu'on veut rien dire. Fais-toi placer de l'intelligence dans la matière grise, tu vas voir, il va se passer quelque chose. Puis non, j'espère que non. Parce que si les hamsters, on parle souvent de l'absence, si les hamsters se mettent à rouler, et ça va boucaner là-dedans, ça me surprendrait. Il n'y a pas grand-chose qui rentre là-dedans. À part du racontage de galerie, là. La petite dernière, ben oui, la petite dernière, c'est pas la petite première, hein? C'est la dernière. Elle va avoir la dernière jupe de la première, puis les souliers de la première, puis ça va être usé, mais ça va y faire. Puis si ça y fait pas, on va y arranger les pieds pour que ça fonctionne. On n'y achètera pas des nouveaux souliers. Nous, on gosse le pied pour que ça rentre dans la chaussure. Pas compliqué, nous autres, la vie, là. On en fait des enfants, on veut peupler le Québec, on veut que la séparation, fait qu'on fait du lavage de cerveau, hein, on élève. On met ça en basse clos, on branche ça sur le 220, ça sort pas, puis on les éduque à notre façon. Là, écoutez, le Québec, hein, faut à un moment donné s'autoproclamer indépendant, comme on l'a fait là, là-bas, là, en espagnol, les Espagnols, là, monophones, les phonèmes. Cheval, wal, comme disait Caporal Lortie. Cheval, wal, divial, minal, aval. Aval, petit. Non, mais. C'est ça. Les phonèmes. C'est pas parce qu'on aime. Différemment, c'est pas à aimer dans la fausseté. Un phonème, c'est, premièrement, c'est dans la langue française. Hein? Hey, là, les gens se sont dit, voyons donc, on capte plus rien, qu'est-ce qui se passe? Le gars qui écoute, il y a plus de dialogue, mais non, hey! On parlait de pause musicale, il n'y aura pas de pause musicale. Nous allons sublimer cette émission. Mes amis, très chers, moins chers aussi. On n'est pas regardant là-dessus, on n'est pas là pour dire que tu vaux au moins, tu vaux au plus. Pas, on, nous sommes dans l'égalité, dans la légalité. Nous sommes au même niveau. C'est en haut qui juge. En bas, on juge pas, on condamne. On condamne avant même de connaître. C'est plus facile de juger que de comprendre. Que de comprendre. Below. It's down on the street and it's trying hard to force us to flow. Oh, my heart's in the basement, my weekend's at an all-time low. 'Cause she's hoping to score, so I can't see her letting him go. Walk out of her heart, walk out of her mind. Oh, not her. She's so swishy in her satin and tan, in her frock coat and bibbidi-bobbidi hat. Oh, God, I could do better than that. Old-time ambassador, sweet-talking night-walking games. Oh, and she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames. If she says she can't do it, then she can't do it. She don't make false claims. But she's a queen, and such a queen, such a laughter is sucked in the brains. Now she's leading them on, and she'll lay them right down. Yes, she's leading them. So I throw both his bags down the hall, and I'm phoning a cab, 'cause my stomach feels small. There's a taste in my mouth, and it don't taste at all. It could have been me, oh yeah, it could have been me. Why didn't I say, why didn't I say? No, no, no, she's so swishy in her satin and tan, in her frock coat and bibbidi-bobbidi hat. Oh God, I could do better. You wanted to! Quand le soleil s'éteint comme un appel d'été et sur l'oreiller brille la lumière, quand tu cherches mon cœur qui se cherche dans mort, quand le vide va bailler et c'est toi qui dis oui, oui, oui. Je suis un nuire au matin du mois de mai, avec à la main les mecs. Ils m'ont demandé mon... Qu'est-ce que, monsieur, vous êtes? Je suis un chanteur de variété. Oh, vous êtes dans la variété, toche, dans la variété, toche. Mais pas moi, plus, c'est comme, ça, on sent que tu réfléchis. Non, j'hésite pis ça fonctionne mal. Parce que je dis variétoche, je voulais parler aussi de pomme, Macintosh. Variétoche, Macintosh, pomme, Adam. Ça vient de loin, là. On a perdu le nord, là. C'est intéressant, là. Lui, c'est son imaginaire, c'est que plus il divague, plus il tourne. Non, il tourne pas, il zigzague. Parce que tourner, c'est on revient. Ça va bien? Ah, moi, ça va bien, mais le petit va pas très bien. Ah, mon Dieu, il est à la recherche de lui-même. Il a commencé des études en philosophie. Hey, c'est compliqué pour lui. Pour moi, c'est pas compliqué, la philosophie, là. Tu sais, on m'a toujours dit, hey, toi, mon Ramon, t'es philosophe, toi, mon Ramon. Toi, tu rapportes tout, pas juste des petits bouts, tu rapportes tout au punk, parce que t'es un ancien punk, t'es un vrai pogné, là. Un pogné du punk. En connaissez-vous des pognés du punk, madame? Hey, il y en a. Il y en a de moins en moins. Ça, c'est vrai. Mais il y en a encore. Il y en aura toujours. Les pognés du punk, c'est pas juste ceux qui sont nés en 80, là. Quoiqu'en 80, il n'y avait pas vraiment de punk. C'est plutôt des années 60. 70, 80. 80, ça a commencé. Fin 70, début 70, 80. T'es même mêlé. Non, mais le punk, 70. Le soubresaut. La naissance. L'historiette. Non, mais comment t'appelles ça quand tu lis la Bible, là? Ben, je lis jamais ça, moi. Là. Les doigts me brûlent. Les yeux me gèlent. Puis la babine me tremblote. Jamais, je touche plus à ça depuis bien des années, là. Hey, wow! Je suis plus calme. Je suis dans la tisane et dans la réflexion de moi-même. J'ai mis une photo d'un nombril. Je dirais pas c'est lequel. Et je suis là, puis je fais... je me concentre sur le nombril. Là, ils ont dit, bon, là, c'est nombriliste. C'est un mot qui revient. C'est pas vrai. Le centre est un nombril, hein? Le centre. Aimez-vous quand je fais un son avec un mot? Centre. Mais c'est ça. Il y a un film, hein? Je suis le centre de l'univers. Mais on n'a jamais fait le... Il n'y avait plus de budget. Hey, tout le budget était sur le bateau. Ils ont recréé un bateau, puis ils se sont fait... ils ont fait de l'argent. Non, ils se sont pas embarqués dans un... Non, c'est quoi, là? Un beau gros bateau, gagner le vague, je me suis embarqué là. Se faire embarquer dans un bateau. Jamais se faire embarquer dans un bateau parce que les gars, ils disent ici, sombre. Non. Moi, je connais ça, même les voitures, là. Wow, c'est pas parce que t'es dans l'eau que t'es pas dangereux, le malade! On sait ce que tu veux. Tu vas nous amener dans le milieu. Tu vas nous envoyer dans l'eau avec des cimadéens, des simagrés. Bien. Tu vas recréer le goéland. Tu vas dire, hey, t'es capable de voler. Voyons donc. Puis là, tu veux que je saute parce que tu vas avoir mon argent. T'en auras pas une maudite scène. M'a distribué ça à tous les gens ou à tous les organismes qui le méritent. Le premier. Et non le moindre. Non, mais on va aller dans la hiérarchie, là. C'est CKRL. M'a donné de l'argent, CKRL, moi, avant de me tirer dans... Voyons donc. Puis si on me trouve pas dans les deux semaines, tout mon argent va aller à CKRL. Ouais, mais qui dit que t'as de l'argent, toi, là? Ça peut être les dettes. Non, y a pas de dettes. Non, pas de dettes. On dit tout ça, mais quand on creuse... Non, tu creuses pas, moi, dans l'eau. Tu descends? Mais si on descend, on va bien voir. On va voir de l'eau, ben oui, mais non, je parle pas de toi, là. Je parle de ton problème. Quel problème? Ben, ton, tout va bien, tout va bien. Bon. Tu sais, quand tu es en haut de l'eau, tout va bien. Mais c'est quand tu descends. Ben, faut pas descendre. Restez à la hauteur de, tu sais, à hauteur d'homme, là. Parizeau, excellent documentaire. Parizeau, hauteur d'homme. Pas besoin de plonger. Oui, ben, là, écoute, plonger est un mot, peut-être. Non, non. Ben oui, plonger est un mot. Plonger, plonger, le verbe plonger. Premier groupe. Il y en a un du monde du premier groupe. Comment ça? Oui, oui, oui. Il n'y a pas juste les verbes. Il y a des gens qui se croient dans le premier groupe. Ah, moi, je suis dans le premier groupe. Hé, hey, wow! Je fais partie, là, de la grande affaire, moi, là. Pas de la petite, de la grande affaire. Oh, j'ai compris des affaires pour me rendre à la grande affaire, là. Ça, c'est comme si tu montes des escaliers. Puis j'ai écouté ça la nuit dernière, la chanson de Paul Piché, d'escalier. Paul Piché, chanteur québécois. Homme remarquable dans les années 80-90. Aujourd'hui, je l'ai perdu de vue. En haut de l'escalier, ce que vous voulez. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Tu voudrais que je chante, hein? J'ai pas les paroles. Je sais que j'ai un ordinateur. Mais là, il faudrait que je me retourne. Puis le fil n'est pas assez long. Puis quoi que le micro, oui. Mais les écouteurs, non. En tout cas, ça, public, ça reste entre nous. C'est une belle chanson. L'escalier. Ah là là, ce qu'il voulait. Hey, c'est merveilleux. Et sinon, je veux vous présenter en ce beau 8 janvier 2018. Il y en a des 8 là-dedans. Moi, le 8, là. Quand j'étais petit, j'avais une piste de course. Une piste de course. T'es avec des petites voitures, là. Ben ouais, une piste de course, pas de voiture, c'est pas une piste de course. Faut des voitures, pas une piste de course. Hé, hey, toi, comme toi un peu, là. M'a donné des tranquillisants, tu vas voir. M'a faire une marinée de Monroe de toi-même. Ah, oh, mon gars, il fait peur. Ben ouais, je fais peur. Hé, hey, lâche-moi tranquille. Lâche-moi la tubulaire. Regarde-toi, là. T'as-tu vu l'air? Oh, tu petit jeu de mots, tubulaire. Ben, c'est ça. Hey, on m'a balancé une blague hier, et si je la fais, je la moffe. Mais c'est pas grave, ça sera pas la première fois. C'est concernant Jeanne d'Arc. Vous m'avez pas cru! Vous m'aurez cuite! C'est ça, blague! Il est pas mal, il était extraordinaire! Vous m'avez pas cru! Vous m'aurez cuite! Jeanne d'Arc! Le bûcher! Ah! Le public n'a pas de connaissance générale. Oh, oui. Non. J'en vois qui ricane ici, là. Surtout vers la gauche. La droite, c'est pas Marie-Madeleine! Jeanne d'Arc! Film de Dreyer! Dreyer. La passion de Jeanne d'Arc. Extraordinaire récit. Muet. Mais le visage de l'actrice qui s'appelle est merveilleuse. Vraiment là-dedans, là, c'est un de ses plus beaux rôles. J'ai vu dans d'autres films. Mais Dreyer. Dreyer. A fait une œuvre hors norme. Donc, je redis ma blague pour faire rire un public élitiste que nous sommes ce soir devant notre radio que nous aimons tous et qui s'appelle CKRL. Ben oui. Jeanne d'Arc, avant de mourir, sur le bûcher, à regarder le public, avant d'y pénétrer, là, pas dans le public, mais dans le feu, et la voix sûre et bien affirmée a lancé une phrase qui aujourd'hui est bien connue et reconnue de tous les historiens et les historiennes de notre monde. Elle a regardé la caméra. Il y avait une caméra! Ben à l'époque, ben oui, Jeanne d'Arc, hey! C'est une caméra crachée. Ah, crachée où? À travers le public, là. Puis, on a tout ça sur YouTube? Non. On a ça sur CKRL, à CKRL. Puis, on vous dévoile là, maintenant là, la phrase tant attendue. Oui, mais il l'a dit tantôt. Ben oui, mais c'est pas grave. Là, on fait le punch. Le punch pour amener ailleurs, pour s'amener ailleurs. S'amener ailleurs. Ailleurs. Ailleurs où? Ailleurs là. Ailleurs là, là, là. Là, là, là, là, là, là, là. Ailleurs ici. OK. Fâche-toi pas. Donc, elle fixa la caméra crachée. Et elle balança cette phrase qui est devenue célèbre. Vous ne m'avez pas cru. Vous m'aurez cuite. Ça y est, je crois que cette fois ça suffit. Tu me donnes froid comme c'est pas permis. Y'en a marre des pulls. Over. Ça y est, je crois que cette fois ça peut plus. J'ai beau mettre mon doigt, y'a plus le jus. Y'en a marre des piles. Wonder, mais qui en sera la bombe? Qui en sera la bombe? Qui en sera la bombe? Qui en sera la bombe? En premier, c'est peut-être toi. Sûrement pas, mais qui en sera la bombe? Qui en sera la bombe? Qui en sera la bombe? Qui en sera la bombe? En premier, c'est peut-être moi. Peut-être moi. Ça y est, je crois que cette fois ça m'ennuie. C'est plus très sympa notre partie. Y'en a marre des pouces, des jokers. Ça y est, je crois que cette fois je faiblis. La peau vu que ça finisse assis. Y'en a marre des courses. C'est plus l'heure, mais qui lancera la bombe? Qui lancera la bombe? Qui lancera la bombe? Qui lancera la bombe? En premier, c'est peut-être toi. Sûrement pas, mais qui lancera la bombe? Qui lancera la bombe? Qui lancera la bombe? Qui lancera la bombe? En premier, c'est peut-être moi. Pour une fois, je vais pas me faire un dessin. Je sais bien que je sais bien. Je sais bien que je sais. C'est bien. Je vais pas me faire un dessin. Je sais bien que je sais bien. Je sais bien que je sais. Ça y est, je crois que cette fois c'est plus beau. Je le vois plus l'éclat, les oiseaux. Y'en a marre des films. Technique couleur. Ça y est, je crois que cette fois c'est trop lourd. Là, toujours t'as joué des tours. Y'en a marre tout court. Hein. Tout court. Y'en a marre tout court. Hein. Tout court. Tout court. Y'en a marre tout court. Hein. Tout court. Tout court. Je vais la lancer la bombe. La lancer la bombe. La lancer la bombe. La lancer la bombe. En premier, tu verras. Elle tombera. Je vais la lancer la bombe. La lancer la bombe. La lancer la bombe. La lancer la bombe. En premier, tu verras. Je vais pas me faire un dessin. Je sais bien que je sais bien. Je sais bien que je sais. C'est bien. Je vais pas me faire un dessin. Je sais bien que je sais bien. Je sais bien que je sais. C'est bien. Je vais pas me faire un dessin. Je sais bien que je sais bien. Je sais bien que je sais. C'est bien. Je vais pas me faire un dessin. Je sais bien que je sais bien. Je sais bien, je sais. Je sais bien, je sais. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Je sais bien, je sais bien. Je le sais bien, hein. Je sais bien, je le sais bien. Je sais bien, je le sais bien, hein. Je sais bien, je le sais bien. Je sais bien, je le sais bien, hein. Je sais bien, je le sais bien. Je sais bien, je le sais bien, hein. Je sais bien. Je sais. Lundi 8 janvier 2018. 18, mes amis. Jean-Pierre attend depuis 45 minutes là, que je l'annonce. C'est maintenant ton tour, mon ami. Prépare-toi. Mets ton habit de scène. Nous allons être prêts dans quelques secondes. Aujourd'hui, le lundi 8 janvier 2018, l'errance. Les errances rénaldiennes vous propose et débute. J'ai un blanc. J'ai un blanc. C'est pas un texte que je suis. C'est aujourd'hui, le 8 janvier 2018, l'errance. Les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Hein? J'ai dit gestionnaire. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour du leader. Et hey, pas un dealer, un leader, leader de groupe, Jean-Pierre Bembo. Jean-Pierre Bembo. Je trouve que c'est inspirant, moi. Bembo, c'est un nom, c'est son groupe. C'est le groupe qui l'a mis dans sa petite poche de gauche et qui a trimballé. Qu'il a fait le groupe, il l'a mis au monde, là. Puis aujourd'hui, il fait des disques, des spectacles. Il est sur scène avec des membres qui restent, qui partent, qui reviennent ou qui se rajoutent. C'est ça, c'est un groupe vivant, comme le spectacle vivant. Jean-Pierre Bembo est venu à mon micro et j'étais très heureux. Donc aujourd'hui, le 8 janvier, et la semaine prochaine, le 15 janvier, c'est du Jean-Pierre Bembo et son groupe Bembo. Vous en voulez? À partir de maintenant, c'est l'œuvre uniquement de Bembo. On y va. Comme Dreyer pourrait le dire. Action! Non, lui, c'est un... Non. Lui, c'est un... C'est pas comme ça, lui, qui dirait ça, lui. Action! C'est pas un Allemand, ça? Oh. Action! C'est quoi, ça? Ça, c'est une maison de repos, là. OK. Action! Non. Non. On y va avec plus de virilité. OK, attention! Les comédiens, comédiennes, chanteurs, chanteuses, groupes, instrumentistes, techniciens, placez-vous! Ça, c'est mal, ça. C'est mal. C'est mal. Non, c'est pas mal, c'est mal. M-A, que ça sert complexe, L-E, un mâle. J'ai mal digéré mon... J'ai mal bien. Tu prends de la bière? Non, moi, je prends du vin. C'est plus sérieux. Ah ouais, c'est sérieux, du vin, là. Déjà là, ça se dévisse pas, ça se débouche pas, ça... Ben quoi que ça se débouche, mais c'est avec un tire-mouchon. Connaissez-vous le tire-mouchon? Il faut déjà avoir le tire-mouchon pour démouchonner la bouteille. Là, c'est mêlant dans ces affaires-là. Il y a du blanc, du rouge, puis même du rosé pour les gens qui aiment pas le vin. Parce que le rosé, c'est fait avec du restant de rouge puis du restant de blanc. Ça, ils savent pas, là, les petits crapauds. Moi, j'aime bien le rosé. C'est rafraîchissant l'été. Ben oui. C'est pas acceptable dans du vin rouge. On met ça dans le rosé. C'est pas acceptable dans du vin blanc. On met ça dans le rosé. C'est bon du rosé, hein? Continue à en boire du rosé, mon ami! Oh, oh! Non, mais parce que je voulais dire la facilité, là, la consonance. Mais non, on a du respect pour tout le monde, là. Même les gens qui boivent du rosé. Moi, j'aime bien le rosé parce que c'est la couleur que j'aime. Ouais. Moi, je suis monocolore. Cosmopolar, malheur. J'aime ça, il est pas là, mais j'aime pas ça lire. J'aime préfère les images. Mais, color, madame. Mais il faut inviter l'invité, hein? Il faut peut-être le présenter puis s'arrêter. Puis c'est là que c'est... Le rideau se... Ouais, il est levé depuis 51 minutes et 3 secondes. Hein? Il va se fermer pour mieux se réouvrir sur mon ami M. Mambo. Mambo. Jean-Pierre Mambo. Alors, voici. C'est tout ce qui suit, là, comme le monsieur disait tout à l'heure. Mais c'est du bambou mur à mur. Ah, mon, du beau bambou, là, je te le dis. Moi, j'ai décoré ça et je craignais même pas, moi. Moi, le festif, là, c'est à volonté, à mademoiselle du festif. Ils m'ont dit, ça, c'est le plafond festif bambou, les murs bambou, les portes bambou, puis les fenêtres bambou. Hey, tu rentres là-dedans, là, t'as juste le goût de rire, d'avoir du plaisir, de t'envoyer des invitations d'amour toi-même, hein, avec des. Tu t'écris des mots, je m'aime, ah, bambo, bambo, bambo, bambo, c'est maintenant! Même à trois, et je ne suis pas jaloux. Don't leave me now. C'est vrai que nous sommes pas ensemble. Qu'importe que ça coule, pourvu qu'on ait l'ivresse. Just stay home now. Oh oh, just stay home now. Oh oh, don't leave me now. Parce que là, l'autre est arrivé en retard, ça a causé toute la bisbouille comme on dit chez nous. C'est pas bien grave. Alors ça va? Ben ça va et toi? Et très bien. Je suis très content de te rencontrer. Ben moi aussi. Parce que t'es un musicien, t'es reclus. Ah oui. Et c'est ce qu'il faut, t'es loin des... tu es loin du classicisme. Tu t'éclates beaucoup. Ah oui. Et ça se voit même dans tes vêtements. C'est merveilleux. Est-ce que tu te considères comme un personnage? Écoute, un personnage, peut-être, mais je sais pas si j'ai la prétention d'être un personnage, mais en tout cas, j'ai envie de m'amuser, tu vois, et de vivre pleinement les choses, et de manière la plus personnelle, tu vois. Et donc, évidemment, je suis un petit peu particulier par rapport à au monde qui nous entoure. On l'est tous, tu l'es aussi, toi. Hein? Oui, mais c'est le chapeau. Mais alors, du coup, tu es venu spécialement de Montréal? De Québec. Au Québec. Québec, tu es sur Québec. Québec. Ville de Québec. D'accord. Et tu sais que lorsqu'on fait de la musique, comme de la peinture, on catalogue, hein? On ouais, ouais, sur moi. Ouais. Mais toi, c'est jazz, blues déjanté, grosso modo. Rock, pop, ouais, funk, 70s, funk, un peu de, il y a un petit peu de tout en même temps. Voilà. Et tu fais partie d'une formation, d'un groupe. Voilà, Bimbo. Alors, Bimbo. Je t'ai amené tout ça, regarde. Okay. Combien tu veux de disques? Autant que tu veux. Ben. Non, t'es limité en place dans l'avion. Non, pas du tout. Non. Je suis option en plus. Donc ça, c'est le dernier album, et ça, c'est le premier. Ok. Voilà, donc si tu veux diffuser tout oui, ça, okay. La Fabrique Botanique et puis Ride Mon Bike. Ah oui, ah, ben, c'est très québécois. Donc. Et ben voilà. Bike. En fait, ouais. Si ben, tu veux. On appelle ça un bicycle. Un bicycle. Parce que bicyclette, bicycle. Ben oui, ouais. Mais je connais parce que j'ai vécu avec une Québécoise, donc je connais ah, bien. Ah ben voilà, ok, là je vais faire attention. Voilà, je connais. Bon, on est reconnu. Voilà. On n'est plus ensemble, mais on a vécu une belle histoire d'amour. Au Québec? Non, je l'ai connue à Paris, mais après, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours. Elle a vécu ici, et puis voilà. C'était il y a une vingtaine d'années, mais... Et donc, alors, sur les... C'est vrai que quand tu écoutes tout ça, tu écoutes plein de styles différents, parce qu'en fait, moi, j'aime plein de choses, et ça m'ennuie de m'enfermer dans un truc. Excellent. Voilà. Donc, il y a des trucs très énergiques, très festifs, rentre dedans. Très punchy, et puis il y a des trucs beaucoup plus soft, beaucoup plus doux. Et des ambiances. Moi, j'ai grandi avec les punks au départ, le rock'n'roll. Et les punks français ou les punks anglais? Les punks anglais, les punks anglais. Okay. Anglais, ouais. Okay. Tu sais, les Sex Pistols, oui. Les Clash. Est-ce donc, que tu les as vus sur ça? Alors, j'étais trop jeune. Ah oui, ok. Je devais avoir 11 ans, 12 ans quand ils sont sortis. On a le même âge en passant, ok. Bah oui, moi, je suis les 66, tu vois. 67. Bah voilà. 51, tu me dois le respect. Ah, mais oui, 101 ans, nous deux, on va faire quelque chose de bon. Je te dis, on va construire. Et donc, voilà, moi j'ai été bercé rock'n'roll, Gene Vincent, Elvis Presley, ensuite directement les punks, le rock hard, ACDC, toute cette époque-là, puis ensuite de la new wave, je suis passé à la new wave, après du rock progressif, du jazz, plus de la pop anglaise, bref, tout ça. Plein de choses que j'adore. Ça crée un amalgame. Voilà. Et le style que tu as voulu donner à ton groupe. Est-ce que tu es le leader du groupe? Est-ce que oui. Tu te considères comme le leader? Ben oui, je les terrorise. Je suis le leader. Il souffre depuis 13 ans, 14 ans maintenant. Ça fait 14 ans qu'on joue ensemble. Ils sont dans le bonheur, c'est ça qui est merveilleux. Et voilà, je pense qu'ils y trouvent leur plaisir, sinon ils seraient partis depuis 14 ans. Oh oui. Voilà. Es-tu ludique lorsque tu proposes quelque chose ou t'es dictateur, c'est comme ça? Alors, c'est vrai que je suis un petit peu musicalement sur ce que j'ai en tête. C'est vrai que quand j'ai vraiment une idée, je l'amène, et c'est vrai que c'est toujours difficile parce que j'y crois, tu vois, j'y crois à fond. Mais par contre, ils apportent ce qu'ils veulent. Tu vois. C'est-à-dire que le batteur, moi je fais un petit peu de batterie, mais le batteur, lui, il amène toute sa sauce, son ambiance, et alors là, carte blanche. Tu l'as trouvé où ton batteur? Eh bien, sur Internet. Ok. Il y a 14 ans. Ok. Internet a commencé à cette époque-là? Bah oui, oui. Okay. Et puis. C'est vrai que moi j'ai toujours joué avec des copains sinon, mais tu vois, d'ailleurs mon premier groupe j'ai commencé avec un, un batteur qui est dans le coin. Okay. Et puis au bout d'un moment, quand tu cherches, tu cherches. Et quand tu cherches, tu trouves. Et tu trouves. Ouais. Voilà, et tu trouves. Et là on est, je suis tombé sur le bassiste et le batteur, on s'est rencontrés comme ça. Et donc. Et tu les as jamais vus sur scène, là, ou tu non, les as jamais entendus. Non, on a joué. On a un studio de répétition dans ma cave à Paris. Tu vois, j'ai fait un tout petit studio, mais on y joue quand on veut, tu vois, c'est génial. Et donc on s'est rencontrés comme ça. Et après, les autres, c'est les copains. C'est les copains. Trompettiste, un copain. Alors pareil, la trompette, moi, je ne suis pas trompettiste. Alors, il fait ce qu'il veut, tu vois. Il a carte blanche, mais selon certaines directives. Oui, voilà. Mais les directives que tu proposes, est-ce qu'ils sont aussi éclatés que la musique? Est-ce que tu leur dis « amusez-vous » Avant tout, il faut s'amuser pour amuser le public. Exactement, exactement. Alors, effectivement, quand je propose un truc, même je dis rien, chacun joue, tu vois. OK. Pas de directive. Et après, on en discute. Alors, on commence toutes les répètes par ça. Une demi-heure d'impro. Enregistré? Est-ce que c'est enregistré pour pouvoir faire ça? Quand on a une bonne idée, on l'enregistre. Mais en général, quand tu la réenregistres, c'est plus la même. Non. Et en fait, t'enregistres jamais le direct. On devrait. Ouais. Mais peut-être qu'on ne serait pas aussi naturel que ça. Voilà. Là, on s'en fout, on part comme ça. L'intérêt de ton style musical, c'est de voir les autres s'amuser. Alors, en fait, c'est vrai que mon premier intérêt, c'est d'essayer de communiquer de la joie, de l'énergie. Bon, parce que on est dans la merde, mais il faut se réjouir quand même. Voilà. Et moi-même, j'ai traversé des périodes de vie où j'étais vraiment très très mal. Et tu vois, dans toute une période où j'écoutais de la New Wave, hein, j'étais dépressif mentalement, tu vois. Et donc depuis, j'ai travaillé quand même un peu sur moi et maintenant j'ai envie de générer ça, de générer du positif, du dynamique. Et d'ailleurs, en fait, dans le groupe, on a un concept, j'ai mis en place, j'ai proposé un concept aux gars. Au début, c'était pas facile, c'est on fait un thème à chaque concert. Tu vois. Et un thème, donc ça veut dire qu'on décore musique, costume. Okay, oui. Enfin, la musique, c'est toujours un peu notre musique, mais on l'adapte. Ouais. Et on se déguise, tu vois. Et c'est la fête, mais à chaque fois différent. Et alors, c'est terrible pour les finances, c'est terrible pour les finances parce qu'on se ruine, mais c'est génial parce que les gens qui viennent nous voir, ils savent pas à quoi ça parle. Alors, sur l'affiche quand même, tu vois qu'il y a un thème. Ok, quand c'est constant, c'est... Voilà, alors on a fait, alors, on tourne autour du nom Bimbo, tu vois. Oui. Alors Bimbo, ça vient au début, moi, je leur avais proposé de dire, ben, on va changer de nom à chaque concert. Mais alors là, pour... La dégoûte est là. Hein, voilà. pour te faire un public, c'est évidemment, ça ne marche pas. Non. Et quand on a voulu faire un site internet, ben, à l'époque, on s'appelait Bimbo. Okay. Ouais. Mais on changeait à chaque concert, effectivement. Okay. Et puis quand on a fait le site internet, on a été obligé quand même de faire bimbo.com et on s'arrête sur celui-là. Mais j'ai vu certains sites, tu as trop fait Bimbo. Bimbo, Bimbo, Bimbo. Voilà. Ben, ça, c'est sur Facebook. Okay. C'est parce que, je ne sais pas, il y avait une nana qui avait pris ce site-là, je ne sais pas où elle est, en Afrique du Sud ou je ne sais pas où, le nom Bimbo, donc on n'a pas pu le prendre. Mais pourquoi trois? On s'est dit, allez, on en fait deux, on en fait trois. Okay, c'est comme trois fois de suspension, Bimbo, Bimbo. Voilà, bimbo. Voilà, exactement. Et donc, on a commencé, donc on s'est dit, alors Bimbo, pourquoi à l'époque? C'est parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, dans les années 70, il y avait un groupe, alors en France, je ne sais pas si à Québec ou... Il était connu, c'était le fils de Tino Rossi. Ouais. Après, Tino Rossi, déjà là, on est sur des... Le fils de Tino Rossi qui a fait un tube qui s'appelait Bimbo Jet. El Bimbo. El Bimbo. Bailemos El Bimbo. En chantant espagnol. Oui, oui, oui, Bimbo. Okay. Oui, Bimbo. Oui, oui, oui, oui. Et voilà. Et moi, j'avais trouvé dans une brocante ce disque. Et je m'en souvenais. Un 45 tours. Un 45 tours. Et je mettais ça à une époque. Comme ça, je dis, tiens, c'est rigolo. Et quand j'appelais les gens, je leur faisais écouter Bimbo. Okay. Bimbo, comme ça. Et puis, c'est pour ça que je me disais, tiens, on va s'appeler Bimbo. Et c'est venu comme ça, si tu veux. Mais c'est resté. Lorsque tu étais enfant, écoutais-tu de la musique? Est-ce que tes parents étaient musiciens? Est-ce que ça donnait à jouer, à gratter une guitare? Non, mes parents non, mais ils nous avaient imposé de faire de la musique. Donc au départ, moi j'ai commencé le piano. Imposé, ah oui. Pourquoi? Ah, c'était une éducation à la dure un peu. Ok, ouais, ouais. Voilà, ouais. Bon, en tout cas, de ce côté, chez nous, c'était comme ça. Et c'est où tu es d'origine? Ici, la banlieue parisienne. Okay. Ouais. Et quel arrondissement? Alors moi là je suis dans le 11e, on est beaucoup dans le 11e, mais sinon, ouais, à côté, ouais, entre plutôt vers Charonne, tu vois. On y passera des heures à créer sans panique les plantes du bonheur, de la vie romantique, et changer la douleur au plaisir mosaïque. L'atelier est en verre, ne consomme que du vent. Il va au monde ouvert et pourra durer longtemps. Il fonctionne à l'envers, des modes et du temps, en usant pour se faire que de beaux sentiments. Actionne la manivelle, sens ton cœur éclectique. Fais tourner la crécelle de tes ondes empathiques. Pousse la balancelle du bonheur biologique. Distribue à l'appel l'énergie euphorique. Je verse de l'eau de rose sur le bout de tes seins. La fleur s'est éclose, on l'espérait enfin. Magique pépite rose à la paume de tes mains. Machine à chlorophylle, au soleil et à l'eau, travaillant le fertile, sans engrais, sans fléau, produisant des pistils, sous la treille au râteau, des folioles par mille, des graines à volo, où les vieilles branches ploient, sous le fardeau des fruits, s'y retrousser les manches, car rien n'y vient fortuit, la soif s'y étanche. Au jus de mille pertuis, chaque jour est un dimanche, le temps y est gratuit. Je verse de l'eau de rose sur le bout de tes seins. La fleur s'est éclose, on l'espérait enfin. Magique pépite rose à la paume de tes mains. Récemment, ah bah ouais. C'est chouette. Hein. Beaucoup d'artistes dans ce c'est chouette. Après 22h, 23h, là, c'est la fonde artistique. Ça y va à fond. Ouais. Et donc moi, j'ai tout de suite fait de la musique. Bon, ils m'ont demandé de faire du piano, je fais le piano, mais en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'est la batterie, la guitare. Et donc, je me suis appris tout seul à jouer. Et un peu comme le batteur. Ok, t'es autodidacte. Ouais. Le batteur qui est là, c'est. Alors, lui, le. Ah, il y a une fille dans le groupe, hein? Il y en avait une, elle est partie. Ah, pourquoi? Parce qu'elle avait trop de choses à faire. Okay. C'est une danseuse, elle fait du flamenco, elle est extraordinaire. Ah oui? Et Karine Gonzalez, si jamais tu la vois. C'est bien dans un groupe, hein, parce qu'on se tient un peu plus, on dérape moins. Elle chantait, oui, on fait moins les cons. C'est vrai. Ben d'ailleurs, tu vois, on garde un peu de dignité devant une femme. Dans notre dernier album, il y a une chanson qui s'appelle Testostérone. Ah oui, voilà. Voilà. Et tu regarderas, tu écouteras. Et tout le monde devait être en amour avec cette fille-là. C'est vrai que quand tu la vois, certains étaient déjà en couple, on l'adore quand même. On peut regarder le menu sans commenter. Bah, d'ailleurs, si tu as vu le film de Tony Gatliff, il a fait un film sur les insurgés, sur la révolte espagnole. Il y a une danseuse, c'est elle. Ah oui. Danseuse de flamenco qui joue dans les. Et c'est elle la danseuse, donc elle a. Mais c'était un bonheur qu'elle soit là, mais elle chante, elle joue du clavier super bien, elle chante super bien et elle danse en plus. Mais donc évidemment, sais qu'au sein d'un groupe, il y en a qui s'en vont, il y en a qui se rajoutent. Mais est-ce qu'il reste des oui. racines, oui. À part, hormis toi là, qui, ben, on est, depuis le début, on est 5 à être toujours les mêmes. On a été jusqu'à 8, jusqu'à 9, il y en a qui viennent. Alors, 5, hein, ouais, on est 5. C'est comme les Wampas, hein, il y a des gens qui partent, ouais. qui reviennent. Tu vois, on a un flûtiste qui vient de temps en temps, il fait de l'humanitaire, flûte traversière. Okay. Tu l'entendras d'ailleurs sur le premier et sur le deuxième. Okay. Excellent, extraordinaire. Mais comme il fait de l'humanitaire, il part en Afrique, alors on ne le voit plus. Donc il y a des concerts, il est là, des concerts, il n'est pas là. Le clavier, ben, depuis 2 ou 3 ans, lui, il est dans l'aéronautique. Alors il était à Saint-Malo récemment, au début il était à Paris, puis il est parti à Saint-Malo, maintenant il est à Singapour. Saint-Malo, Singapour, Saint-Glinglin, ça fait loin. Mais quand il est là, il vient, on joue un concert, hop, il est là. Est-ce que tu te consacres uniquement à la musique ou si tu as un autre boulot pour t'aider à... Oui, en fait on a tous un autre boulot. Parce que d'abord, il y a beaucoup de monde, hein, ouais, sur la musique. Donc, alors là, on peut utiliser le cachet. Et voilà. Et donc nous, on préfère finalement en faire un plaisir, tu vois, en faire notre plaisir. Si ça marche, tant mieux. Plutôt que de se dire on va faire un boulot, puis d'abord on n'est pas en sûr arraché. Que ça marche, à l'arraché, la plupart des groupes tournent. Nous, on appelle ça en arraché, avoir oui. beaucoup de problèmes. Voilà. Donc écoute, quand ça marche, ça marche. Et puis l'intérêt surtout, c'est qu'on se fasse plaisir et qu'on essaye de faire plaisir aux gens. Et donc tu vois, il y a vraiment un. En fait, il y a deux bimbos, tu as le groupe sur album, où là on essaye de lécher le truc au maximum, et puis après sur scène, où là c'est plutôt l'éclat. Voilà. C'est le principe de la fête. C'est-à-dire que sur scène, on est plutôt festif, tu vois, à déconner, à organiser des petits concepts, des petits jeux, des petites surprises, à faire participer les gens aussi. Est-ce que vous pensez à long terme de capter tout ça, de nous en faire profiter sur un disque? Alors. Il faudrait. Ou un DVD, ouais. Ça coûte cher, mais il y a des amis peut-être qui peuvent capter. On a des captations vidéo que tu peux. Professionnelles? Non, mais non, malheureusement. Le son, est-ce que ouais. le son est bon? Là, on a des concerts entiers où il y a des captations, mais c'est avec du matériel qui n'est pas professionnel. Sinon, on a quand même un concert qui était. Le concert de la sortie de cet album-là, okay, oui. qui était au Zèbre, je ne sais pas si tu connais cette salle, oui, le Zèbre. Belle, très belle salle. Superbe. Et donc le thème, c'était le thème du vélo sur ce premier album. Ride Mon Bike. Et sur le thème du vélo, où on tournait en dérision la chanson des Beatles, Drive My Car. Ah oui. Okay. Nous, c'est Ride Mon Bike. Ah, ouais. Baby, tu peux ride mon bike. No, you're never gonna be a star. Tu vois, c'était le concept de l'autodérision. Ben non, ben vas-y, prends mon vélo. Il n'y a pas de souci, non, on ne sera jamais des stars, tu peux prendre mon vélo. Ah oui, c'est ça. Et donc, tout le thème du vélo, c'était beaucoup sur les concerts, et notamment aux Zèbres, on avait suspendu des vélos un peu partout au-dessus de la scène, tu vois. Et on s'était habillé là, un peu années 70, il y avait une vidéo qui tournait le Tour de France qui passait derrière, des années 70, en noir et blanc. Okay, ouais, tu vois, ouais, des coureurs, pendant tout le truc. Et voilà, ce soir-là, c'était, la sortie de l'album, c'était le vélo. Mais après, on a fait tourner ça un petit peu, tu vois, à d'autres concerts. On avait mis des vélos d'appartement, tu vois, devant nous. Et on avait des amis qui étaient venus pédaler pour nous pendant le concert. Tu vois. Intéressant. Et aussi, c'est très conceptuel. Ah oui, toujours un concept. Et notamment des musiciens, des guitaristes, qu'on avait fait un challenge de deux guitaristes, une battle. Ils étaient de gauche et de droite. Et les gars, ils devaient jouer, faire des solos en pédalant. Ah, ça c'était génial. C'est exigeant. Le groupe est très très. Ben, l'idée c'est exigeant parce qu'à chaque fois il faut que tu inventes un truc. Puis en fait c'est pour aussi te déstabiliser de ce que vous connaissez voilà. déjà. Tu sais, on a fait des trucs, alors on fait des costumes aussi à chaque fois. On se dit, vous avez des on a... costumières ou c'est vous-même qui. Alors on a des amis qui nous font les costumes, des chapeaux. Sur le clip de cet album-là, on a des trucs à fleurs là, incroyables. Et mais on les utilise. On pourrait dire, allez hop, on met plus que ces costumes et on fait plus que ça. Ben non, on continue à essayer de changer. Mais vous ne voulez pas non plus éclabousser trop votre allure pour peut-être reculer la musique. Vous voulez que tout soit ouais. en avant. Ouais. Autant le côté vestimentaire, la mise en scène que ouais. la musique. Oui. Parce que tu sais, souvent quand t'en fais trop. Oui, soit c'est le côté festif qui prend le dessus, soit c'est la musique. Soit qu'on oublie la musique, mais on regarde un peu une pièce de théâtre. Oui, voilà. À Delarté. Alors nous, c'est ça la difficulté, c'est le challenge, c'est d'essayer justement de conserver un bon niveau musical pour que, bon, bah, entre les chansons, les, tu vois, on peut faire les pitres, on fait des petits sketchs et machin, mais ensuite, quand on joue, les gens rentrent dedans, et à la limite, ils oublient que t'es habillé en chinois, en chinoise, t'es habillé en, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des concerts beaucoup en tahitien aussi, on était en tahitien avec des, tu vois, des trucs à fleurs un peu partout, des colliers à fleurs, et donc le truc, c'est d'essayer d'oublier ça. Et en même temps, donc d'être sérieux quand tu vois, quand on joue, mais toujours, enfin, sans se prendre au sérieux. Sérieux pour jouer bien, mais tout en restant détendu et sans se prendre le chou. C'est ça l'essentiel. Ce que je trouve extraordinaire dans votre groupe, c'est que vous êtes malheureusement que quelques-uns à travailler sur ce concept-là. Raoul Petit, je ne sais pas si tu connais. Bah oui, oui. Et vous et quelques, les Wampas, eux, sont plus rock'n'roll et moins conceptuels. Ouais. Mais, Raoul et vous, c'est au même échelon. Et oui. D'ailleurs, notre ingénieur du son, c'était l'ingénieur du son de Raoul Petit et de Odeur, du groupe Odeur, je ne sais pas si tu te rappelles aussi. Oui. Et c'est notre ingénieur du son, c'est un de leurs copains. Alors ça, c'est presque un hasard, mais donc du coup, on les a rencontrés. Mais je veux revenir à ton enfance. L'instrument qu'on t'a obligé, en fait, on t'a obligé de prendre un instrument de musique aussi. Piano, on m'a obligé le piano. Classique. Ah oui. Et moi, à ce moment-là, j'ai commencé, enfin j'étais un peu en révolte, c'est le début, tu vois. Et quand j'ai écouté, alors les flashs que j'ai eus, c'est le solo de David Gilmour sur Shine on Your Crazy Diamond de Pink Floyd. Là, ce son-là, il m'a vraiment fait un truc. Et ensuite, très vite, c'était les Sex Pistols. Là, ça a été Nevermind the Bollocks. Là, ça a vraiment été le déclencheur. Un ami de ma sœur amène la cassette à la maison. J'avais un petit truc comme ça, moi j'avais 12 ans. Je le mets et je suis resté toute l'après-midi collé dessus, à fond. Tu vois. Mono, version mono. Mono, mais dans, alors parfois je changeais d'oreille. Ah oui, exactement. Toute la journée, pour toute la journée. Ah, ouais. Et ensuite, je me suis acheté. Alors c'était l'énergie, j'avais vraiment une révolte, tu vois, en moi à cette époque-là. Et cette énergie, tu vois, elle était mais dingue. Elle me parlait terriblement. Encore aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup moins, mais oui, encore, elle me parle. Mais à l'époque, si tu veux, c'était, je pense, en plus, toute ma révolte d'enfant. Tu vois, on a tous une vie qu'on ne maîtrise pas. Quand tu es gamin, tu n'as pas le choix, tu suis. Hein, tu encaisses tout ce que tu encaisses. Et moi, voilà, ça me parlait. Et ce son, tu vois, de guitare saturée, quand je me suis acheté le 33 tours, je l'ai ramené à la maison, j'ai pris l'espèce de sono stéréo que j'avais, j'ai mis les baffes. J'ai mis un oreiller, les deux baffes de chaque côté, et j'ai mis le truc, comme ça aussi en boucle pendant quelques heures. Et t'as usé l'album comme ça. Ah ouais, et je l'ai gardé d'ailleurs, je l'ai encore dans sa version. Alors, il n'est plus très écoutable, mais de temps en temps, je me le remets. Et pour regarder aussi la pochette, c'est ça la nostalgie du 33 tours, c'est de plus toucher, de plus ouvrir, que souvent c'était... Et donc, si tu veux, là-dedans, c'était la guitare qui m'a complètement... guitare saturée. Donc, j'ai commencé, j'avais vraiment un besoin d'énergie. Et donc, les premiers groupes que j'ai faits, parce que j'ai toujours fait de la musique, c'était de l'énergie, tu vois, vraiment, assez dur. Mais en travaillant le côté mélodique, c'est ça aussi que j'aimais chez les Pistols, c'est que c'était pas... voilà, il y avait aussi des mélodies, voilà, il y avait des belles mélodies. Dans cette cité, jamais je ne pourrais m'en passer. Automne, hiver, printemps, été, c'est cet air que je veux respirer. Une étrange cité, jamais je ne pourrais m'en passer. Automne, hiver, printemps, été, c'est cet air que je veux respirer. La musique des véhicules. Je passais les heures à admirer le périph' à 18h. Les boulevards maréchaux engorgés, que c'est beau. Les égouts avalent tout ce qu'il y a de sale. La scène un peu trop grasse déborde et laisse des traces. Quant à moi, qu'embrome, je me cave de carbone. Dans les rues de Voltaire, mes poumons filtrent la poussière. Je suis né dans cette cité, jamais je ne pourrais m'en passer. Automne, hiver, printemps, été, c'est cet air que je veux respirer. Je suis né dans cette cité, jamais je ne pourrais m'en passer. Automne, hiver, printemps, été, c'est cet air que je veux respirer. Il y a toujours eu ces deux côtés-là. Et puis après, bon, avec la vie, tu évolues dans le temps, tu t'assagis, tu te refroidis, tu te réchauffes. Et donc maintenant, voilà, ça fait un espèce de melting pot musical où on est capable de jouer vraiment plein de choses différentes en essayant que tout ça reste quand même harmonieux et pour pouvoir se faire plaisir et aussi faire plaisir aux gens. Et tu vois, d'ailleurs, dans le concept musical, je me suis dit, bon, les gens qui viennent nous voir, bon, il y en a peut-être qui sont de passage, ils ne nous connaissent pas. La musique leur plaît pas. Bon, la musique leur plaît pas. Bah, peut-être que tu as une chanson qui te plaît pas, mais peut-être que la deuxième, la troisième te plaira bien. On peut pas plaire. Voilà. Et donc il s'agit. Il y a des chansons que l'on aime. Exactement, exactement. Et puis il y a aussi le fait de le visuel. Je me dis, putain, vraiment le gars qui nous déteste à mort. Eh ben, il y aura quand même un truc visuel où il pourra dire, tiens, c'est rigolo. On va l'accrocher. Voilà. Même si t'aimes pas, c'est pas grave. On va essayer de te toucher quand même. En déconnant, essayer. Voilà. Donc tout ça fait que c'est assez généreux dans l'esprit, si tu veux, et très, très détaché aussi de... C'est beaucoup dans la dérision, dans l'humour du second degré, tu sais. Et vraiment c'est le surréalisme aussi. Un peu, oui. Et vraiment dans l'esprit d'essayer de faire rire les gens, de les faire sourire et d'être positif, tu vois. Mais vous existez depuis à peu près 13-14 ans. Ouais. Et... Est-ce que tu vois une évolution ou si c'est dans la même lignée de ce que tu voulais offrir à... Alors, musicalement, oui, l'évolution, bah, tu la verras déjà entre ces deux albums. Pendant très longtemps, d'ailleurs, on a fait des petits albums bricolés entre nous. Et avant qu'on fasse vraiment un truc propre, là, on est peut-être dans le nouvel album, tu verras. Mais j'ai l'impression que musicalement, c'est quand même beaucoup plus élaboré, peut-être un peu plus sage, moins barré, mais... Avec des mélodies plus travaillées, plus élaborées. Pourquoi tu as voulu rester plié un C'est devenu naturellement. Okay. Je pense que tu... et aussi, j'ai l'impression que dans les compositions, on évolue, tu vois. Je compose plus maintenant comme je composais avant, donc... Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui composent ou tu es le seul à... Ben, moi, j'amène les idées. Okay. Mais comme je te dis, eux, ils greffent des trucs dessus, tu vois. Mais les paroles? Et les paroles, c'est aussi moi qui les fais. Mais ça, je pense que c'est parce que les autres sont un peu feignants. Ah oui, c'est ça, ils veulent pas trop bosser et on te laisse... Et parfois, je leur dis, allez les gars... Leader, tu te dis leader, ben vas-y. Mais voilà, alors on est deux, on est même plusieurs leaders dans le truc, parce qu'il y a le batteur aussi qui, lui, est un gars un peu dur, tu vois. Alors lui, c'est un ancien punk. Il était dans la rue il y a quelques années. C'est un miraculé parce que la plupart de ses potes sont morts d'overdose, ouais, etc. Ouais, et lui, il s'en est sorti. Et donc lui aussi, c'est le leader un peu, je l'appelle technocratique, et non, lui, c'est, moi c'est le technocratique et lui c'est le charismatique, tu vois. Et on a deux leaders en fait, si tu veux. Mais je pense que c'est plus parce que les gars, ils c'est pas forcément non plus leur truc que de créer un morceau. Il y en a un qui crée, mais il veut pas les jouer avec nous, c'est bizarre. Mais il y en a qui sont bien devant la chose finie, alors, devant voilà. Le papier qui est terminé. Et puis après, quand tu dis, ils créent leur solo par exemple, tu vois, le guitariste qui est là, lui tous ses solos, évidemment c'est lui qui les fait, le trompettiste il fait ses solos, il amène aussi des lignes musicales, des partitions, voilà. Faire sur scène. Exactement, pareil pour le clavier, il amène des lignes musicales, donc en fait, même si c'est moi qui propose au départ, il y a quand même on s'enrichit de tout, voilà. On s'enrichit de toutes les constructions. Avant de faire les albums, est-ce que les chansons ont vécu sur scène? Oui, oui. Alors il y a quand même quelque chose de, oui, oui. De très construit, de très... Oui, mais tu vois, par exemple, il y a des chansons où les paroles, on les a rajoutées dans l'album. On faisait des instrumentaux. Ah. Et puis, je me suis dit, tiens, quand même, ça serait pas mal. Ça, par exemple, c'est Buying Machine. Donc, c'est une chanson sur l'argent. Oui. La Buying Machine. Et celle-là, c'est on l'a enregistrée. Hein, c'est votre monnaie de Pink Floyd. Voilà, c'est un peu ça. C'est exactement ça. Mais t'as raison, j'y avais pas pensé, mais c'est un peu ça. Et les paroles sont en anglais. Alors, moi, j'aime bien l'anglais parce que le rock anglais m'a beaucoup, américain et anglais, m'a beaucoup, et australien. Influencé, tu vois, les Kings très très anciennement, mais aussi plus récemment. Et je me dis que l'anglais, il est bien pour le rock. Et le français, c'est dur d'avoir de le faire passer. Pas en français. Si, j'ai aussi des chansons en français, mais c'est plus dur. Je trouve que c'est plus dur de passer une chanson. Enfin, en tout cas, je trouvais à l'époque. Et donc, du coup, ce que je faisais du franglais. Ah oui, ok, oui, oui. Voilà. Et donc, ça, c'est sur le premier album. Tu verras, il y a pas mal de chansons. Ou dans le sky par exemple, je suis dans le I live dans le sky. Bon, c'est du franglais. Ride Mumbai, c'est du franglais. Sunshine, c'est du franglais. C'est-à-dire que c'est un mot en français, un mot en anglais, comme ça. Tu vois, on mélange. Qu'est-ce qui t'inspire? Eh bien, la vie. Ouais, la vie m'inspire. C'est des sujets beaucoup sur l'amour, tu vois, évidemment. L'amour, les échecs de vie. Et puis après, c'est aussi la planète qui nous inspire, tu vois. Là, on a fait une usine, bon, c'est pas pour rien dans la nature. La planète, l'économie, l'évolution de notre monde, tu vois. Écris-tu au quotidien ou si tu attends et à un moment donné, t'es comme l'éponge, ouais. T'es ouais. Oui, c'est-à-dire quand j'écris, la musique, ça vient tout seul. Là, j'ai 50 idées à la seconde. Mais pour les paroles, c'est pour moi plus un travail de vraiment de ciblage, tu vois. Parce que je veux pas non plus que les paroles prennent le pas sur la musique. Donc je veux vraiment les cibler. Et en plus, je trouve que quand on chante français, on a souvent un risque d'être catalogué, variété, si tu veux, chanson française. Et donc moi, le travail de composition des paroles, en général, je m'enferme. Et je pars d'ailleurs souvent dans des îles en Bretagne. Je prends mon matériel et pendant une semaine, je fais ça. C'est la musique avant et l'écriture après? Ou ouais. Oui. Ouais. Donc, il faut que la musique te laisse planer quelques mots pour pouvoir quelque chose. Oui, alors parfois, ça vient ensemble. Tu vois, parfois, tu as des ambiances qui te viennent comme ça. Il y a une chanson qui s'appelle « Petite reine du Caucase ». Tu sais, alors là, j'imaginais... d'ailleurs, c'est le monde un petit peu post-soviétique, tu vois, la neige, le froid. Ça au Québec. Voilà, mais avec les communistes, oui, oui, là, oui, ce que ça, vous n'avez non, pas non, eu non, encore. Non, non, non, pas encore, on ne sait oui, pas. Oui, oui, oui, ça sent mais bien. Ça m'étonnerait. Venus, ça m'étonnerait ouais. Qu'ils Trudeau, arrivent ouais. Avec Trudeau. Oui, oui, en tout cas, peu importe. ça sent. Voilà, donc tu as parfois comme ça des ambiances. Il y a des chansons qui viennent aussi où ça vient presque... naturellement une chanson qui s'appelle Sunshine Over My Head. Alors là, celle-là, elle est en anglais complètement. Et donc, mais généralement, c'est quand même plutôt rare. C'est-à-dire ce qui sort tout de suite, c'est la musique. Okay. On peut en faire plein, on fait des buffs d'ailleurs. Ça, on en a des tonnes et des tonnes et des tonnes encore maintenant. Ce qui nous manque, c'est le temps, tu vois, parce qu'on a tous une vie, évidemment. professionnel et ce qui nous manque, c'est le temps. Donc on a des tonnes et des tonnes de musique, mais dès qu'on peut, on se focalise et on essaye de construire. Mais est-ce que vous êtes beaucoup plus des mélodistes que des compositeurs? Sur scène, si vous instrumentez... Excuse-moi, je me chante à la gorge. Je t'en prie. Est-ce que vous travaillez beaucoup plus sur la musique, sur les mélodies, avant de... Ou si c'est moitié-moitié sur scène? Oui, non, sur, si tu veux, sur scène, ce qu'on essaie de faire, c'est... on arrive avec des morceaux qu'on a déjà construits, qui sont déjà bien prêts. Ah oui. Et puis on teste souvent comme ça des instrumentaux. C'est un peu comme ça qu'on commence. On teste des instrumentaux. Ça, c'est une prémisse. Voilà. Parfois, on fait aussi des morceaux juste pour un thème de concert. Tu vois, par exemple, on avait fait un concert sur la musique classique. Alors, ça s'appelait Das Philharmonische Bimbo Konzert. Okay, oui. Le concert philharmonique, on était tous en queue de pie. Ah, oui. Tu vois, on avait les perruques en queue de pie et on avait les pupitres. Ah, oui. Et on jouait comme ça, avec des fausses partitions. Ah, oui, oui, oui, voilà. Oui. Et donc, à la coincée. Voilà. Et comme ça, très classique, noir et blanc, avec des jabots, tu vois, de la dentelle. Une satire. Oui, voilà, c'était une satire. On avait un ami chef d'orchestre qui était devant nous, et lui, ses partitions, c'était un livre porno, c'était une revue porno. Il était là, comme ça, il tournait les pages. Et là, les gens savaient ce que c'était. Et voilà, parce qu'il le voyait, si tu veux, de dos. Et puis là, on a fait une chanson spécifiquement pour celui-là. Ça s'appelait Gramophone Style. C'était une sorte de rap, de dub. Sur le Dodge Gramophone Style. Non, okay, il n'est pas, okay, parce que celui-là, il n'est jamais sorti. Non plus. Si, peut-être il est... si, peut-être qu'on peut le retrouver sur Internet. On ne l'a pas mis sur iTunes. On a tous ces deux albums, ils sont sur iTunes, ils sont sur Spotify, Deezer, etc. YouTube, on a la plupart des titres sur YouTube en vidéo. Est-ce que tu me parles actuellement? Est-ce que je peux trouver ça sur YouTube? Sur YouTube, il y a juste les vidéos qu'on a mis. Okay, qu'on a mis. Please come down, keep relaxed. your baby's mind about you. Look, she's coming now, just relax. Your baby's mind about you. Your baby's crazy about you. Your baby's crazy about you. Toujours dit, les Ghosts vont jouer ce soir! Problème technique ou pas, on a des stratégies, on est quand même rendu dans des années où tout peut être facile. De prime abord. Mais ça demande quand même un effort. L'errance! Je viens de faire une rimette en zawar. Mais là, je le sais parce que je vous l'ai dit. Oh, mon Dieu! L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Vous êtes, bien sûr, à CKRL. Et je suis heureux d'être avec vous. Le passage infini! Qu'est-ce que c'est ça? Le seul passage infini, c'est comme un peu un passage tout court. Tout court. Plus c'est court, plus c'est long, plus c'est long, plus c'est un passage. Ça peut être large, un passage, pas nécessairement étroit, mais c'est visuellement intéressant de voir ça, là, très, très refermé. Donc, un numéro d'improvisation se défie à nous. Le passage infini. Je l'ai pas fait souvent, celui-là. Il me semble même que c'est la deuxième ou troisième fois. Alors, on recommence. Le passage infini. Non, il n'y a pas de Z parce qu'il n'y a pas de S. OK, excusez-moi. Le passage infini. On le sait que c'est le passage infini, arrête de le dire. Mais c'est, pas mais c'est moi-même, là. Je dois m'auto-régulariser dans la cervicale. Ouais. J'ai une... Exactement. Il n'y a pas longtemps, une commotion cérébrale, puis c'est difficile. Un numéro d'improvisation se défie à nous. Le passage... On le sait! On y va ensemble, un peu. Le passage infini. Le passage infini. Merci. Ensemble, un, deux, trois. Le passage, passage infini. Sous un fragment d'un auteur ou une auteure, nous nous envolerons au milieu d'une étrange fiction narrative. Allumons-nous cette semaine avec cette citation. On va le citer. On n'est pas gêné de citer du monde, là, nous autres. On n'est pas gêné de mettre des créateurs sur la sellette. L'absurde, entre guillemets, là, ça c'est sa citation. L'absurde n'est pas dans l'homme ni dans le monde, mais dans leur présence commune. Qui a dit ça? Qui a dit que l'absurde n'est pas dans l'homme ni dans le monde, mais dans leur présence commune? Albert Camus. Qu'est-ce que vous voulez dire par là un soir, là, de désespoir, quand sa bougie ne voulait pas s'allumer, ne voulait plus s'allumer? Parce qu'au début, elle le faisait, par gentillesse. Après ça, ben, par décorum. Puis par la suite, ben, c'était comme un rituel. Mais un moment, donné, un jour, ici, la petite bougie s'est dit, ben, qui était grosse au début, mais ça rapetisse, hein, ça fond, ces affaires-là. C'est comme la neige. Faites-vous-en pas, ça va fondre, ça va fondre. Je sais pas quand, là, au mois de juillet ou septembre, ça va fondre avant l'autre. Je n'ai jamais vu. Quoique, si vous enfermez, aujourd'hui, ce serait rigolo là, que vous sortiez avec un... même pas un thermos, là, un récipient pour prendre, si vous avez des enfants, prendre de la neige, là, rentrez ça, vous mettez le couvert, vous placez ça dans le congèle, et pendant tout l'été, là, vous ouvrez le congèle, vous dites, « Hey, ça, c'est la neige de cet hiver! » Oh, hein, les enfants vont faire des petits bonhommes de neige miniature. Bon, OK. L'absurde n'est pas dans l'homme ni dans le monde. J'ai des bonnes idées, moi. Il suffit des mettre en pratique. Alors, vas-y, mon Albert. Non, mais on va se lancer là-dedans, un peu. L'absurde n'est pas dans l'homme ni dans le monde, mais dans leur présence commune. C'est bien certain quand t'es tout seul. Puis t'es un être absurde. Il se passe des affaires uniquement en toi. Hein? Il peut pas, ça peut pas aller plus loin. T'es pas dans la société, comme disait Trust antisocial, hein? Le groupe Trust. Connaissez-vous ça, madame? Non, c'est pas dans votre époque, ça, hein? Vous, c'est qui? Ah oui, ah ben voyons donc, pas la Java bleue. C'est la Java bleue, la Java la plus belle. Fréel, c'est vous, c'est Fréel, hein? Ah, mon Dieu. Mais c'est bien, hein, parce que depuis quelque temps, là, c'est pas chaud dehors. C'est frais! Oh, c'est tiré par le cheveu, moi, là. Par la racine carrée de mon intelligence obtuse. Concave ou convexe, mon Rénal? Oh! Comment analyser le concave ou convexe? Moi, t'expliquer. Non, je le sais, c'est la boule en dedans ou la boule à l'extérieur. C'est ça, hein? Ben oui. Alors, moi, je me sens plus concave. Ah, ça, là, on voulait pas te le dire. Mais tu touches la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Wow! Albert Camus disait... Non, il n'a rien dit là-dessus. Là. Ben, s'il l'a dit, j'ai pas la citation, j'ai pas les feuilles, j'ai pas... Attendez un peu. Camus, Albert... Non, il n'y a pas... C'est bien beau, là. Moi, j'ai juste la petite phrase, là, quand même très signifiante. Lue par un insignifiant. Si vous en rappelez, dites-le en cœur. Un, deux, trois. L'absurde n'est pas communion, pas de société, pas d'absurdité. Seul sur la planète, là, comme chantait, comme... tiens, le petit prince! Saint-Exupéry! Croyez-vous que le petit prince, parce qu'il était petit, il était tellement petit, là, que quand il se perdait dans la poche de son père, là, il pouvait se frapper sur un grain de tabac. Aïe, aïe, donc. Hey, te faire frapper la tête sur un grain de tabac. Est-ce que ça vous est arrivé? Ouais, vous, Madame Thibodeau, hier au soir? Ouais, c'était pas un grain de tabac, c'était votre mari qui voulait pas vous sortir. Non, non, parce qu'il savait que magasiner, c'était très coûteux pour lui. Très coûteux pour lui. C'est bien beau, là, que vous disiez que vous êtes reine au foyer. Moi, j'ai rien contre, puis lui non plus, là. Mais, tu sais, une reine, comment définir la royauté aujourd'hui, surtout au Québec? Avons-nous de la royauté? Bon, j'entends... oui, merci. J'entends certaines personnes... Ben oui, il y a la reine du carnaval. Il y a la reine de la poutine. Il y a le roi de l'insignifiance, c'est moi, ça. Ah oui, j'ai été roi de l'insignifiance en 97, 2018. Puis en 2055, là... ils vont j'ai une mammographie, mais ça fait mal, hein? Ils te l'écrasent pas à peu près, là. Si t'en as pas, ils te le trouvent, le sein, là. T'as pas de ça, mais là, je sais, c'est pour ça. Je sais pas pourquoi mon médecin a dit mammographie. Non, prénom, non, je veux pas. Prénom, je veux pas non plus. Non, mais ton nom, ton prénom, on se trompe peut-être de personne. C'est écrit quoi sur votre fiche, monsieur? C'est écrit Gagné Reynald. Et vous, vous êtes. Ça tombe mal, Gagné Reynald. Mais là, comment on peut faire mammographie? Là, c'est pas grave, là. Moi, ben c'est pas grave. Pour lui, c'est pas grave. Pour moi, c'est quand même un trouble. Puis, pour ne pas dire un trouble, on va aller plus loin. Pour moi, là, ça a été comme un. Exactement. J'ai été tout à fait. Oui. Oui, madame. Oui. Puis depuis ce temps-là, là, c'est j'ai été traumatisé. Traumatisé. Vous savez qu'il y a des cirques là, de l'extrême, là. Ils ont comme un genre de une boucle d'oreille au niveau du sein. Puis ils se font pendre de la peau là-dessus. C'est un peu ce qui est arrivé. Là. Moi, je suis voyant donc, comment vous allez. On va t'en trouver. Il m'attire l'affaire. Il met ça. Je dis, voyons donc. Si c'est une boulette de steak haché pour un hamburger, ça va pas grand-chose, là. Fait que là, il dit, OK, on va vous rappeler. On va voir si tout est correct parce que tu dois rester, là. Puis là, je me suis dit, moi, je vais me sauver. Je vais prendre mes jambes à mes pieds. Puis ça tombait bien, je les avais à mes pieds, mes jambes. Parce qu'il y a des soirs où t'es pas aux pieds, t'es à côté. Puis là, j'ai toujours eu un chien parce que je lui ai dit, à mes pieds. Puis si je les ai pas, ben je vais même m'agripper après son collier, puis on va partir ensemble. Moi, j'ai un beau, mais là, un beau husky, tu sais, un beau, là, tu sais, blanc neige, blanc flocon. La faucheuse, là, quand elle voit, parce qu'elle voit deux, comment t'appelles ça, donc? C'est pas des jonquilles, c'est des affaires noires, monsieur. Des affaires noires. Vous savez, quand vous faites la, ouais, du barbecue, comment on appelle ça? Du charbon, deux beaux yeux charbon. Oh mon Dieu, ça, il a les yeux dans braise de bim. Oh mon Dieu, jamais à la bim, lui. C'est pas un mineur de fond, mais c'est pas loin. C'est un courageux petit chien. Mais ben, petit chien, il est plus gros que moi. Quand je veux m'en aller, puis pas trop marcher, je me mets dans mon petit fauteuil roulant, là, tu vois, que j'ai inventé moi, ben, que j'ai fabriqué moi-même avec des petites roulettes. Vous savez, dans les supermarchés, là, il y a des paniers. J'ai pris les roues des paniers, j'ai mis ça en dessous de... J'ai gossé. Parce qu'il faut gosser notre chaise, hein. Selon moi, là, tu mets ça... Tu veux être confortable, si tu veux avoir les petits pieds, hein, tu mets la... Comme un... Ouais, exactement. T'étires l'affaire, puis oui, tu te places le pied là-dessus, puis là, ton chien, tu le tiens. Puis là, il part. Quand il part, il s'arrête pas. Puis surtout, quand tu lâches le collier... Ça m'est arrivé trois fois, tu sais, je ressortais du bar avec Bukowski, on avait lu des extraits sataniques de ses œuvres. Ah oui. Et puis là, à un moment donné, Amoski, lui, là, il s'amusait parce que mon ami Charles, lui, il a un petit Red Bull Poppers. Poppers, ouais, c'est pas ça, hein, c'est quoi? C'est un terrier, un fox terrier, croisé maniche. Ah, comme on s'ennuie à la maniche, c'est à peu près ce genre-là. Et puis là, ils s'amusaient, t'sais, les gros aiment bien les petits aiment bien les gros. Il y avait comme une genre de rencontre, là, t'sais, entre félins, puis moi aussi, entre Georges puis moi, Charles et moi, on récitait, on parlait, on riait, on faisait des messes noires, puis bon. Et puis là, il fallait partir, puis lui, il voulait prendre son petit chien, il prend son petit chien, puis moi, je me tiens après le collier de mon husky. Il part ce husky-là parce que mon ami Charles est en taxi. Le petit Yorkshire a la tête sortie, puis là, mon pitou, lui, il a pas de frein. Fait que mes mains glissent. Mon fauteuil s'en va plus loin que le husky. Plus capable de freiner. Il m'a jamais mis de frein là-dessus, moi, là, parce qu'il était sage avant de connaître ce chien-là, là. Un chien de poète, là, c'est incontrôlable. Fait que là, on s'en va. Il y avait une courbe. Hein? Côte d'Abraham. On était sur la côte d'Abraham à Québec. On descend. Il y avait de la neige, de la glace. J'étais en train de prier. Mais moi et ma chaise, on priait. Ma chaise, elle prie pas trop, elle. Ah non. Elle, c'est... Ah oui, exactement. Elle a peur de perdre sa job, hein. C'est pour ça que je l'ai faite en boulot. Ah, c'est une blague. Mais OK. D'accord. Oui, excusez-moi. Comme disait une phrase connue. Puis là, y a-tu une chute là-dessus? Là? Mais non, c'est Albert Camus. Puis on l'a fait l'improvisation. Puis c'est bon. Puis c'est bon. C'est comme ma soupe, hein. J'en donne à plusieurs nécessiteux. Puis par gentillesse... C'est bon. J'avance à marche forcée vers un monde bien meilleur. Je vois l'avenir en rose et les lendemains rieurs. Je n'ai plus les seins. l'étanchéité du sas est approuvé. Le détecteur de vis passera dans la journée. Je suis intègre et je vais le rester. Et je marche vers un monde meilleur. J'avance à marche forcée vers un monde bien meilleur. Flying, sting in your skin, the body's itching. You can say that blue mosquitoes are blue. You can see them coming once more to you. You can shiver, they come to bite you again. You can try, you got your own self to blame. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.